je cherchais une poubelle. Tu cherchais des poubelles? Ouais, pas des poubelles, des vidanges, mais t'es dans ma cuisine, j'ai besoin d'une poubelle. Mais t'aurais dû venir ici, pauvre toi. Ben oui, je sais, il y a des gens qui sont venus en porter une. Ils ont manifesté, puis ils nous ont témoigné leur amour à coup de slogan. J'ai même eu des témoins oculaires qui m'en ont parlé, qui m'ont appelé. D'ailleurs, je pense que j'ai été le premier qui a été alerté de ce qui se passait devant la station samedi. Ben oui, samedi, il y a des gens qui sont venus ici devant la station. Ils ont mis une poubelle à l'entrée avec des vidanges. Puis, ils ont décerné le prix poubelle. Oui, à notre collègue Carl Monette dans le show du matin. D'ailleurs, tu m'as appelé, tu étais bien fâché que c'était pas à toi qui avait été remis ou que tu n'avais pas été considéré. D'ailleurs, tu m'as même dit qu'il avait parlé de toi pour essayer de sauver un peu la face. Non, mais ils ont scandé mon nom, puis celui de Monette, puis celui de Moret, je pense, pour gueuler contre nous autres. Bon. C'est drôle, ils n'ont pas parlé de Jean-Charles. Ils n'ont pas parlé de Martin non plus? Non. Pas de Rabot? Mais d'après moi, écoute, ça a l'air que c'était du monde habillé en noir, c'était des espèces de black blocs, c'est ça. J'ai demandé s'il y en avait un qui était un petit peu boboule puis qui était masqué. En tout cas, je veux pas partir de rumeurs, là. Mais j'espère qu'il n'y a pas personne dans la station qui était là-dedans, là. Ben, moi, j'étais pas là. OK. Parce que là, j'espère... Ni Louis-Philippe. Je comprends qu'il y a d'autres mondes. Toi puis moi, on aime tout le monde, Jean-Nic, là, mais si je sais qu'il y en a d'autres à la station qui scrapent le chignon de temps en temps, j'espère qu'ils se sont pas servis de ça pour continuer à se faire des jambettes. Ça t'a rien à dire là-dessus, hein? Non. Bon, OK. J'ai pas trouvé ma poubelle. J'aurais pu prendre celle qui était... T'aurais dû en prendre, ils nous ont ouais, mais c'est une poubelle de cuisine. Ça, c'est une poubelle de dehors. Ah, c'était des poubelles super de belle, en plus. Ils ont garoché des vidanges sur la porte. Ils ont laissé une banderole. Ouais. Ils ont scandé nos noms en hurlant qu'on était des poubelles. Puis ils ont écrit Radio X égale marde. Sauf qu'il y a quelque chose que je sais pas. C'est comment ça se fait que ce monde-là qui méprise autant Radio X nous écoute à tous les jours? Ben, on les salue. Parce qu'ils ont l'air, écoute, ils suivent plus la grille horaire que moi. Ils parlent des extraits que moi-même, j'ai pas entendus. Fait que je pense que ces gens-là ont dû, tu sais, ils ont une fixation. Là. Moi, c'est drôle, mais quand j'haïs du monde, je les écoute pas 24 heures par jour. Il y a quelque chose de vraiment bizarre là-dedans. D'après moi, c'est des futurs admirateurs en devenir. Tu sais, quand t'haïs trop quelqu'un, à un moment donné, tu finis par tomber en amour avec. Carl, il est mieux de faire attention, il va se ramasser en amour avec des black blocs. Gilles Proulx a eu ce genre de crowd longtemps ici. Particulièrement les gens de Verdun qu'on salue, ah, qui oui, nous écoutent sans vrai. Aucun doute. Comment qu'elle s'appelait la madame là, sur le BS, là? Hein? Mais oui, il y avait une bonne femme sur le BS là qui appelait. Madame Martin? C'est ça? Ben, il y avait Madame Martin, mais Madame Martin, oui. En fin de semaine, il n'y a pas grand monde qui s'en sont rendu compte, mais il y a des gens qui sont venus ici à la station mettre des poubelles en avant, puis ils ont mis une grosse affiche, et c'était inscrit « Félicitations, Monette, pour ton prix poubelle ». C'est une gang de gauche, d'extrême gauche, qui se sont réunis ensemble, et ils ont décidé tout simplement d'essayer de mettre le spotlight sur moi. En sortant et en essayant de prendre hors contexte une phrase et une explication que j'ai dit à un moment donné sur un sujet X, ils se sont approprié ça, puis ils ont mis ça là, comme si c'était at large pour me faire passer pour le plus grand des chiens sales. Ils ont sorti des extraits de tout ça en fin de semaine, puis sont venus ici, à la station sur la rue Laurier. Pourquoi vous pensez que ces gens-là, c'est qui ces gens-là? C'est des gens contre qui et qui je dénonce à chaque semaine. Ce sont des gens de la Ligue des droits et libertés. Ce sont des gens de Québec solidaire. Ce sont des gens de l'Association des juristes progressistes. C'est pas compliqué. Je suis le seul à vraiment les cibler, à les pointer du doigt avec des noms. On sait c'est qui. Fait qu'est-ce que vous pensez que ces mini dangereux de la gauche extrême-là essayent de faire? Ils essayent de me faire fermer la gueule. Tout simple, c'est aussi simple que ça. Ils sont au pissou pour venir me le donner pendant que je suis là la semaine. Ils savent hein, que je suis pas là fin de semaine. Je travaille pas le samedi matin. Surtout à Pâques. La plantureuse m'appelle, elle me dit « Hey, il y a des gens qui sont venus mettre une pancarte puis des banderoles en avant de la station. » Il fallait que ce soit le propriétaire de la boutique de linge à côté qui enlève ça de là. Je dis « Écoute, je suis au musée de la civilisation. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Mais tu devais être content, Carl. T'es enfin une vedette à Montréal. Mais c'est drôle comment que ces gens-là, parce que premièrement, avec toutes les choses qu'on sort à chaque semaine puis qu'on les pointe du doigt, sont rendus à essayer de trouver n'importe quelle espèce de bassesse pour me faire paraître comme le plus imbécile des caves de n'importe quoi en faisant parler de moi en mal le plus possible pour essayer de m'éliminer. C'est juste ça. C'est pas compliqué, là. Je suis pas mal un des seuls qui dénonce et qui fait les liens avec tous ces groupes-là. Éric Duhaime est excellent là-dedans aussi. Éric, d'ailleurs, j'étais un petit peu déçu. J'aurais partagé mon prix avec Éric Duhaime, Mais il y avait juste mon nom d'écrit. Tu sais, Richard Descaries, on fait une maudite belle chronique le mercredi, hein? Ça dérange-tu cette chronique-là avec Richard Descaries? Je pense qu'on vous sort du stock quand même assez intéressant, hein, sur tous ces groupes d'extrémistes gauchistes-là, avec tous les liens d'organisation bidons que vous voyez à la télévision, dans les médias, à Radio-Canada. Radio-Can aussi, il y a plein d'extrémistes gauchistes dans cette gang-là. On est capable de vous faire des liens très faciles. Et d'ailleurs, à tous les mercredis, on vous en fait des liens avec Richard Descaries. Trouvez ça un petit peu... manquez un peu de couilles. Venez me le mener, hein, ici à la station. Moi, j'arrive normalement, là, pour être sûr et certain, on commence le show à 5h30, laissez-moi le temps de m'installer, mais d'habitude, là, de 5h à 10h, c'est sûr et certain que vous allez me pogner à la station. Venez donc me le mener en pleine face, qu'on voit c'est qui, ces cocos-là. J'aimerais bien ça savoir c'est qui. Pourquoi vous pensez qu'ils viennent en cachette? Faut pas qu'on leur voie la face. Pourquoi? Parce que je vais être capable de vous faire, de vous associer ces gens-là avec n'importe quelle organisation qu'on voit dans les médias ici et à qui on laisse la place. On dérange et ces gens-là n'aiment pas ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils en profitent pour venir ici faire de la marde les fins de semaine. Samedi matin. Bravo, champion!